Cours numéro 2. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الفصل الثاني في حكم النكاح. Après avoir cité, rahimahullah, fil fasl al-awwal, ma'na al-nikah, lughatan wa shar'an, istafadna wa lillahi alhamd, anna le mot nikah yutlaq ala al-aqd, aqd al-tazwij, ay le contrat de mariage avec ses shurut qu'on verra ensemble, incha'Allah ta'ala, wa yutlaq kadhalik ala al-wat, ay al-jima', ay les rapports. Et pour connaître le sens, est-ce que c'est l'aqd ou les rapports, ça dépend du siyaq. Dépend du siyaq de la phrase et du contexte. وكذلك تقدم معنا أن قصد الزواج c'est de fonder une famille. كذلك c'est أهم c'est امتثال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن ça fait partie de notre دين كما سيأتي معنا إن شاء الله اليوم. Et كذلك pour se préserver du شر des فتن. Tout ça c'est من مقاصد الزواج. Et شيخ ابن عثيمين Il a cité certaines de ces hikam dans un chapitre, on les lira ensemble. Est-ce que c'est obligatoire de se marier? Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que c'est mubah? قال رحمة الله عليه النكاح باعتبار ذاته مشروع مؤكد في حق كل ذي شهوة قادر عليه. النكاح باعتبار ذاته مشروع. لا شك أنه سيليجيفير. Est-ce que c'est obligatoire ou recommandé? سيأتي معنا إن شاء الله. ومؤكد في حق كل ذي شهوة قادر عليه. Deux choses. هنا إلى cité. ذو الشهوة. Et celui qui ressent un besoin de se marier, il a peur de tomber في الحرام. Et كذلك celui qui a القدرة. لا شك أن هؤلاء. On verra que al-qawl al-sahih, c'est al-wujub, c'est que c'est obligatoire. S'il a peur de tomber fil haram, et s'il délaisse le mariage, ça peut le pousser à faire du haram. Et bien sûr, il a le qudra, fahouwa c'est wajib alayh. Mithla hadha, il doit s'empresser, se précipiter à se marier. Imtithalan li qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ya ma'ashara shabab tazawwaju, أو من استطاع منكم الباءة فليتزوج بلطو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. Et كذلك tous les adillas qui montrent qu'il faut s'écarter du haram, de regarder du haram, c'est interdit. Et الزنا من باب أولى إلى آخر. قال وهو من سنن المرسلين. قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. استدل بهذه الآية pour démontrer أنه c'est من سنن المرسلين. الأنبياء والرسل ils se mariaient عليهم الصلاة والسلام. Et ça ne veut pas dire qu'ils se sont tous mariés. Le كلام هنا il est على الغالب. قال الله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا. Donc في الزواج il y a du خير. Comme on a dit dans le درس précédent, الرهبانية أي ce qu'ils font النصارى وبعض الضلال من هذه الأمة كذلك. تشبها بالنصارى انهم يpensent que délaisser le mariage, délaisser les plaisirs du mariage, délaisser cette dunya, même le mariage, انه c'est afdal. Ils prétendent se consacrer à l'ibada, tout ça c'est min talbis iblis. وتامل حال الرهبان وغيرهم ceux qui ont délaissé le mariage en prétendant pour leur din, que ce soit Nasara pour leur dîn bâtil ou بعض الضلال هذه الأمة من الصوفية وغيرهم أنهم يبخطون délaisser cette عبادة c'est une عبادة عظيمة خاصة celui qui a une bonne niya. فتأمل حالهم. Combien de scandales الآن tu entends sur les prêtres chrétiens qui ont délaissé le mariage et وقعوا في في فتنة اللواط عيادا بالله إما الهوموسيكسواليتي إما عيادا بالله ils sont injustes envers des enfants. Tout ça c'est quoi السبب أنهم ils ont délaissé ما أحل الله. Et vu que l'homme Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créé بشهوة وهكذا المرأة Et Allah subhanahu wa ta'ala, min hikmatihi wa rahmatihi, shara'a lana azawaj, pour ne pas tomber dans le haram, il y en a celui qui ne se marie pas, hadihi shahwa, elle reste en lui. Et Rabbana, elle lui fait faire des choses haram. Fabardahum tasawwar. Ils sont injustes et font du mal à des enfants, à cause de leur shahwa, yadam billah. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, shara'a lana azawaj. Fahoum, ils prétendent, c'est pour se rapprocher d'Allah, pour délaisser cette dunya, et kathir minhum yatta'a fima huwa ashad, iyadun billah. Qala wa qad tazawwaja an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa qala inni atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadith ila fi as-sahihayn kama fi al-hashiya. As-sabab, ay pourquoi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala hadha anna Ra'd al-Rijal, ils sont venus lui rendre visite et ils ont trouvé Aïcha radiallahu anha, et ils n'ont pas trouvé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ils l'ont demandé sur Ibadat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Aïcha radiallahu anha les a informés, qu'annahum pour eux c'était peu, et anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Et ils ont dit, amma nahnu, Allah il nous a pas pardonné. Enfin, ils ont pensé qu'il fallait qu'il fasse encore plus. Quand ils ont appris à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il mange, il fait le siyam, il dort, il fait le qiyam, il se marie, il a akhira. Fahoum, ils ont voulu faire plus. Les manas, les à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il lui a tout pardonné. Fawahad minhum qala wa amma ana fala atazawwaj. Ay, wahad minhum, et ils avaient une bonne niya. Il a voulu délaisser le mariage pour se consacrer à l'ibad. Quand Aisha radiallahu anha, elle a informé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إني أتزوج النساء. أي pour leur montrer أنه c'est notre exemple. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. C'est أفضل الناس. C'est أتقى الناس. C'est la personne qui a le plus, le mieux adoré Allah Azza wa Jal. Il s'est marié. Donc prétendre se consacrer à l'adoration d'elle sans le mariage, c'est faux. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتزوج النساء. ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. Celui qui délaisse ma sunna, فليس مني. Et pour démontrer annahu al-wajib, c'est de suivre sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, on verra des choses, jusqu'à al-qudra ila akhir. Amma penser que c'est mieux de délaisser le zawaj, hada, c'est très très grave. Qala Ibn Uthaymeen, wa lidhalika qala al-ulama, inna at-tazawwuj ma'a ash-shahwati. On n'a pas expliqué le mot shahwa. Et adhan, il est ma'rouf indakum. Ash-shahwa, tu peux traduire par l'envie. وهكذا الله سبحانه وتعالى خلق الرجال والنساء ils ont cette شهوة فالتزوج مع الشهوة celui qui sent qu'il a cette envie de se marier أفضل من نوافل العبادة وبعض العلماء قالوا هذا ومن هؤلاء بعض علماء الحنابلة منهم الحجاوي رحمه الله صاحب زاد المستقنع il a cité في كتابه زاد المستقنع سامة في المذهب الحنبلي في الفقه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه اللي اكسبليكي في الشرح الممتع في هذا الكتاب زاد المستقنع يا مثل هذا الكلام إن التزوج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة لماذا؟ قال الشيخ ابن عثيمين لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة والآثار الحميدة كم من أمور tu pourras faire quand tu es marié comme min par exemple al-ihsan ila az-zawja c'est une ibada azima min as-sadaqa ou min husn khuluq tout ça c'est des hasanat كذلك la femme si elle a une bonne niya et elle obéit à son mari et tukhdimuhu ay elle lui lave ses vêtements elle lui fait à manger tout ça avec une bonne niya fa yawm al-qiyamah elle trouvera des hasanat azima c'est pour ça que l'obéissance au mari ça passe avant nawafil al-ibadat. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a interdit à la femme de faire siyam nafila sans l'autorisation du mari. Il est un ta'at zawj, ça passe avant. Et ta'at zawj, c'est ta'alillah, c'est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala fil haqiqa. Fa kam min umur. Kadhalik, celui qui se marie, in qaddar Allah subhanahu wa ta'ala annahu il a des enfants, et yishtahid fi ha'oula al-awlad, fa yun récompense azima. Si il meurt en bas âge, خاصة celui 2, 3, 4, il a perdu 4 ou trois, ou deux, ou même واحد, il a un fadl azim. Ses enfants, ils feront shafa'a pour ses parents, yawm al-qiyam. Hatta ja'a fil hadith anna ses enfants qui sont morts en bas âge, ils prendront leurs parents par la main, yawm al-qiyam, ils les feront rentrer fil jannah. Toutes ces fadl, celui qui ne s'est pas marié, il ne peut pas les avoir. Kadhalik anna al-walad al-salih, si grandit, et son père ou sa mère, il meurt, et Houa, c'est un enfant pur, il a été éduqué à la sunnah, et il fait des invocations, il fait des sadaqat pour ses parents. Enfin, ses parents, ils sont fi quburihim, et inshallah, yasiluhum al-ajr. Tout ça, c'est quoi le sebeb? Après, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, wa fadlullah subhanahu wa ta'ala, c'est le mariage. فكم من فضائل وآثار حميدة كما قال شيخ العثيمين ولعل تأتي بعضها معنا في هذه الرسالة قال التي سنبين بعضها فيما بعد إن شاء الله نعم إلى ستي أنه il va démontrer des حكم عظيمة et des فضائل du mariage. قال وقد يكون النكاح واجبا في بعض الأحيان كما إذا كان الرجل قوي الشهوة ويخاف على نفسه من المحرم إن لم يتزوج فهنا يجب عليه أن يتزوج لإعفاف نفسه وكفها عن الحرام. Donc تستفيد من هذا أن المريج à la base c'est une sunna. بعض العلماء يقولون سنة مؤكدة. À la base c'est pas obligatoire, لكن c'est fortement recommandé. لماذا؟ لأن c'est la voie de notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. بل c'est من سنن المرسلين. المرسلين c'est le pluriel de Rasul ou de Mursal, et هنا المراد c'est الرسل, et ce que Allah il a envoyé parmi ses prophètes et ses messagers. Donc c'est une sunna, lakin un nikah ça peut être, le mariage ça peut être obligatoire dans certains cas. قال شيخ ابن تيمين كما إذا كان الرجل قوي الشهوة, s'il a une شهوة قوية, avec des fortes envies, ويخاف على نفسه من المحرم, il a peur de tomber dans le haram, والإنسان ضعيف, وفتنة النساء من أشد الفتن, خاصة à notre époque. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم il a mis en garde contre cette fitna, et à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم les femmes, خاصة في المدينة, c'était pas comme maintenant, أبدا. فهم ils étaient préservés, بل حتى نساء العرب في الجاهلية, beaucoup d'entre elles, elles étaient couvertes, il a akhir. Fama'ahada, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre cette fitna azim. Et à notre époque, c'est zaman al-tabarruj. Les femmes, comment elles s'habillent, elles sortent parfumées, elles sortent coiffées. Na'oud billah, c'est une fitna azim ala rijal. C'est pour ça que c'est important, vu le fiqh, de mettre chaque hukm à sa place en revenant à ahl al-ilm. Enfin, tu peux trouver dans un livre, un imam de la sunna, il a dit que le zawaj c'est mustahab, sunna muakkada, il a akhiri, sans rentrer dans le tafsir. Lakin, le hukm qad yataghayyar, s'il y a des choses à côté qui poussent à un changement. Maintenant, le mariage c'est une sunna. Mustahab, c'est ça la base. Lakin, si l'insan il a peur de tomber dans le haram, et il a peur de tomber dans le fitna, il est obligé d'appliquer une chose pour éviter de tomber dans le haram. Et la solution c'est الزواج. فلهذا القول الصحيح أن عند الفتن والخوف من الوقوع في الفتن والمحرم ça devient obligatoire. قال فهنا يجب عليه أن يتزوج لإعفاف نفسه وكفها عن الحرام. Dans ce cas, c'est une obligation pour s'écarter du haram. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في المغني يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء. Dans ce cas, c'est une obligation عند عامة الفقهاء. عامة c'est plus fort que الجمهور. الجمهور c'est la plupart. عامة الفقهاء c'est pratiquement tous les savants يقولون أنه واجب. قال لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريقه النكاح. Combien de versets dans le Coran al-Karim? Combien de hadiths qu'on citera pas هنا, ça prendrait trop de temps. لكن هذه الأدلة مشهورة معروفة أن الله سبحانه وتعالى nous interdit de regarder le haram, d'approcher le haram, de faire du haram إلى آخره. La chaque année s'écarter de ces choses c'est wajib. Pour t'écarter de ces choses, la solution c'est le mariage. وإلا الإنسان إلى ضعيف. قال كذلك on peut rapporter la parole de l'imam Shawkani رحمه الله في السيل أي السيل الجرار. قال رحمه الله نعم من كان فقيرا. يعني الآن يعني autre chose, celui qui a une قهوة, une شهوة أقصد قوية, et il n'a pas les moyens. Tu as plusieurs cas, tu as celui qui n'a pas de شهوة, ça arrive عند بعض الرجال, il n'a pas de شهوة, ou pour lui tout ce domaine c'est pas une fitna, هذا pour lui c'est mieux, c'est مستحب. حتى il a des hasanat, les exemples qu'on a cités, il a akhir. Tu as un deuxième cas, il a une shahwa qawiyya et il a les moyens. هذا يجب عليه ان يتزوج. Tu as un troisième cas, انه il a une shahwa qawiyya, لكن il a pas les moyens. فهذا قال الامام الشوكاني رحمه الله نعم من كان فقيرا لا يستطيع القيام بمؤنة الزوجة. سياتي معنا هذا ان le mariage ça implique des choses, et parmi ces choses النفقة على الزوجة, et dépenser pour sa femme. كذلك السكنة, il faut un endroit pour qu'il vive avec sa femme. Tout ça, ça demande certains moyens. فسي الرجل لا pas هذه الأشياء قال فله رخصة في ترك هذه السنة الحسنة. Dans ce cas-là, il est excusé. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Malgré qu'il a, il a une شهوة قوية et il veut se marier, donc c'est obligatoire pour qu'il évite de tomber dans le haram, لكن vu qu'il n'a pas les moyens, il a une excuse. لأن الله سبحانه وتعالى il n'impose pas à un homme ou une femme au-dessus de leur capacité. لقول الله عز وجل, et il a cité le verset de sourate Nour, قال عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذه الآية فيها فوائد كثيرة. قال عز وجل وليستعفف الذين, ça vient de العفة, et ceux qui n'ont pas les moyens, لا يجدون نكاحا, et ils n'ont pas les moyens de se marier, fa alif, ay qu'il patiente et qu'il s'écarte du haram, wa yatawakkalun ala Allah. Qala azza wa jalla hatta yughniyahum Allah min fadlihi. Avant de détailler qalilan ce verset, on lit la suite. Li anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il a donné كذلك la solution, ay pour celui qui n'a pas les moyens. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, on finit le chapitre. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. النبي صلى الله عليه وسلم dans ce verset il a démontré أن celui qui a les moyens qu'il se marie. هذا تقدم معنا, il a une شهوة قوية, il a les moyens, c'est واجب عليه. S'il n'a pas de شهوة لكن a les moyens, c'est مستحب. Donc, فليتزوج, ça englobe الأمر للاستحباب والأمر للوجوب, avec le tafsil, les détails qu'on a donné auparavant. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. Donc, celui qui a peur de tomber في الحرام, que ça soit avec les yeux ou que ça soit عياذا بالله en faisant zina, c'est une obligation pour lui de se marier. قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع, ça c'est le troisième cas qu'on a cité, et il a une شهوة قوية لكن il n'a pas les moyens. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم. هذا يكثر من الصيام. لماذا؟ لأن الشهوة تقوى عند الإكثار من الطعام والنوم والراحة. الشهوة, شهوة الرجل أو المرأة, les envies elles augmentent كثيرا quand l'insan il mange beaucoup, quand il dort beaucoup, quand il est reposé, il est راحة, sa شهوة elle monte. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a cité la solution فعليه بالصوم. لأن الصوم الإنسان vu qu'il mange pas toute la journée يضعف وتضعف شهوته, et إن شاء الله il est في خير. والصوم كذلك الإنسان والله الحمد المؤمنون يغصون في رمضان أن الإيمان يموت بسبب الصيام, فإن شاء الله تعالى هذا الصيام c'est un rempart entre lui et le haram. فالسلوي qui ne peut pas se marier alors qu'il a envie فليكثر من الصيام. هذا سيرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. Donc la solution pour ne pas tomber dans le haram c'est le mariage, et كذلك celui qui peut pas الصيام. أما les autres choses que بعض الناس يسيتي في الحقيقة المؤمن il a pas besoin. وهذه الأمور فيها خير وبركة. On revient au verset قول الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا ça nous montre أن celui qui peut pas fal-iffa. Et on a une explication de ce verset dans le hadith qu'on a cité, parmi ces choses qu'on peut faire, as-siyam. كذلك هذا الحديث أو هذه الآية plutôt فيها أن الإنسان لا يخاف من الفقر à cause du mariage. C'est une mas'ala qu'on peut citer هنا. وبعضهم يترك الزواج خوفا من الفقر. وبعضهم يدلسوا المariage par peur de la pauvreté. Ça veut dire quoi هذا? Ça veut dire qu'il a les moyens de se marier, il a les moyens de donner une dot à al-mahr, il a les moyens d'avoir un appartement, de subvenir aux besoins de lui et de sa femme, là qui n'auront pas mal un certain temps, ou pour lui c'est pas assez. Fayakhaf. Ash-shaytan yuwaswis lahu annahu si se marie, faropama il va avoir des enfants. Peut-être que sa femme elle va tomber malade. Peut-être qu'on va avoir besoin de telle chose, de telle chose. C'est toutes ces choses qui s'imposent, ça rentre dans son cœur et yaqul ana je préfère délaisser les ma'adhal et anna, peut-être que je n'ai pas les moyens, peut-être que je vais être injuste, tout ça c'est batil. Wa'adhu salaf kanu yaqulun anna az-zawaj c'est min a'azam asbab al-risq. Az-zawaj c'est une cause pour que Allah il te donne. Wa lillahi alhamd. Dans ton din et ma yata'alak bi dunyak. Qala az-zawajal hatta yughniyahum Allah min fadlih. Fa al-fadl c'est lillah. On doit faire attention à ce genre de choses. Tu as les moyens, alhamdoulillah. Tu as envie, tu as besoin, tu as les moyens, walillahi alhamd, d'avoir un appartement modeste. Et كذلك, il y a un point qu'on citera, inshallah, quand on parlera du mahr. Cheikh Ibn Taymin, il a cité cette mas'ala, les dots élevées, كذلك, vivre au-dessus de ses moyens. وعد الناس يقولون انهم ils ont pas les moyens, لماذا? لأن le mariage, ربما, il va prendre des milliers, si on parle en euros, des milliers d'euros. Que le mariage, que la fête. Hada c'est min al-israf, c'est min al-dhaya. كذلك بعضهم les dates elles sont très très élevées. Ben, c'est normal qu'à la fin ils ont plus les moyens. لماذا لأن ils vivent pas à leurs moyens. Amma celui qui veut se marier avec une saliha et elle accepte une dot modeste et ils vivent modestement, fa wallah il faut très très peu. Il faut très très peu fil haqiqa. Lakin pour ceux qui veulent vivre modestement. Et هذا inshallah ça viendra. قال عز وجل, on peut citer un autre verset, قوله سبحانه كذلك في سورة النور لكن فيني إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فتأمل ce verset. إن أي c'est un شرط, أي si c'est des فقراء, الفقر c'est la pauvreté, يغنيهم الله من فضله. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne. Ce verset, ça te montre أن الزواج c'est من أسباب الرزق. وكم من الناس, ils se sont mariés et ils n'avaient rien. ثم alhamdulillah, Allah يسرى un بيت, ثم des enfants, ثم une famille plus grande, ثم ربما moyen de transport, ثم ربما ils ont fait le hajj et il a acheté des livres et ils ont voyagé. ولله الحمد. فالإنسان يتوكل على الله. On fait attention à ce système, s'accrocher aux causes. Anna, je me marie pas tant que j'ai pas de temps, je fais pas la hijra tant que j'ai pas de temps. Tout ça, ça ralentit le musulman. Comme il en a, ils font pas la hijra. Comme il en a, ils se marient pas. Comme il en a, ils font pas beaucoup de khir à cause de cette chouba. Ça veut pas dire que celui qui a pas, il fonce là. Là, on parle celui qui a un minimum pour faire, fait alhamdulillah, il fait. Amma, regardez sur 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, kamayev al al-ba'ad. Voilà. لا هذا لا يتيسر لكثير من الناس. قال العلامة الشيخ سعدي رحمه الله فلا يمنعكم il explique le verset في تفسيره فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه. الشيخ سعدي رحمه الله il explique le verset أنه on doit pas délaisser le mariage à cause de بعض الأوهام. الأوهام c'est des choses qui sont dans le cœur de l'insan. من وساوس الشيطان أنه si se marie ربما il va avoir des enfants et il ne pourra pas subvenir à leurs besoins. الرزق c'est Allah سبحانه وتعالى. Allah سبحانه وتعالى رزقك هذه الزوجة كذلك يرزق هذه الزوجة et كذلك le mari. وهكذا الولد il vient avec son risque. نعم, on ne doit pas avoir peur de هذه الأمور. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم قال رحمه الله ووعد أي الله تعالى المتزوج بالغنى بعد الفقر وعد من الله والله لا يخلف الميعاد. Wa'dun, c'est une promesse d'Allah. Qala azza wa jal, yughnihimullahu min fadlih. C'est une promesse d'Allah. Qala fi kitabih, fala takhaf. Faqat fais les asbab. At-taqwa wa at-ta'a, écarte-toi du haram, écarte-toi du dhulm, fais des efforts et la takhaf. Wa fi as-sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Le risque, c'est mektoub. Avant que tu sois créé, c'était déjà écrit que tu allais naître tel jour, tu allais vivre tant de temps avec tant de risques. Fala takhaf. Fais les asbab et fais des efforts fi l'ilm, fais des efforts fi al-ibada, fais des efforts fi husn al-khuluq, fais des efforts fi al-asbab al-mashru'a. Et inshallah yakun khair. Kadhalik, on peut citer une deuxième mas'ala. Wa'aduhum yatruk al-zawaj bisabab talab al-ilm. أنه يستمعي فربما لماذا لأنه إذا اتجي العلم كأنه سأنكمباتيب وهذا كذلك سأخطأ. قال شيخ العثيمين رحمه الله كما في لقاء الباب المفتوح: الزواج لا يعوق عن طلب العلم بل ربما يعين على طلب العلم، لكن هذا سبع على الإطلاق كما سيأتي. طلب العلم سأكونتخدي با الزواج، بل دون بوكو دكا le mariage, ça aide fi talab al-ilm. Lakin huna bi shart, c'est de se marier avec une femme qui aime l'ilm. C'est de se marier avec une femme qui n'est pas accrochée à dunya. Amma une femme qui est accrochée à dunya et qui donne aucune importance au ilm, rubbama si elle prend le dessus, elle éloigne son mari du ilm. Fal hadar. Ça nous montre an al-insan min awwal yawm. On parle pour ceux qui sont pas encore mariés. Min awwal yawm. Il montre son hal et ce qu'il veut faire. أنه يلام العلم يتدي هذا العلم على priority c'est العلم sans négliger الحلال et les choses nécessaires importantes. قال شيخ ابن عثيمين: قد وفق الإنسان لامرأة تقرأ وتكتب تساعده. وهذا ستفهم على هذه الصيغة. فإن لم تكن فأقل ما يكون أن يذهب عنه الوساوس والتفكير في الزواج، فالزواج يعين على طلب العلم. même si c'est une femme qui est pas motivée في العلم، tant que والله الحمد c'est pas une femme qui est attirée par الدنيا qui بعض النساء حتى بعض الرجال ils aiment pas العلم، ils combattent العلم إلى آخره، ils veulent que الدنيا. si c'est une femme الحمد لله même si elle fait pas beaucoup d'efforts في العلم، لكن elle aide son mari même si c'est pour laver ses vêtements، lui faire sa nourriture إلى آخره، c'est une ni'ma عظيمة. et هو il peut se consacrer à au ilm et à autre chose s'il a besoin. Wa qala al-allama Cheikh Abd al-Muhsin al-Abbad hafidhahullah ta'ala as-sahih annahu yubadir ila az-zawaj mata istata'a ila dhalika sabila. Ils lui ont demandé: est-ce que j'étudie l'ilm ou je me marie? Fa Cheikh Abd al-Muhsin hafidhahullah qala la, il se précipite à se marier. Limadha? Li'anna ha'ula al-ulama ils savent très bien qu'on vit une époque de fitna. Comme min al-ikhwan ils ont voulu délaisser le mariage pour faire talab al-ilm, ba'dhum ils ont voyagé, thumma quand ils sont arrivés dans tel endroit et ils ont voulu continuer l'ilm, ils ont besoin de mariage et ils ont dû revenir et ba'dhum ils ont délaissé talab al-ilm ila akhir. Ça se contredit pas. As-salaf ils se mariaient. Ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam il avait plusieurs femmes alayhi sallam, il faisait des efforts fil jihad fil da'wa fil ilm. Ça الحقيقة ce qui fait du mal c'est الهوى. Ce qui fait du mal c'est la fainéantise. C'est ça qui fait du mal. Mais celui qui fait du dua et qui fait des efforts, qu'il soit marié ou pas, الحقيقة inshallah il va faire des efforts. Et s'il est marié أكثر قال حفظه الله والزواج هو من الأسباب التي تجعل الإنسان يشتغل بالعلم. لأن الإنسان إذا كان يشتغل بالعلم وليست له زوجة يكون مشوش تفكيره كثير ومشغول بالزواج. وهذا معروف et on l'a vu, on l'a entendu هذا. أن بعضهم ils étaient pas mariés, ils ont voulu faire des efforts في العلم لكن ils n'arrivaient pas. لماذا؟ لأنهم ils étaient دائما occupés par هذا الشيء. البشر c'est un بشر خاصة بعض الناس ils ont une شهوة قوية فربما ça l'empêche d'avancer في العلم. هذا on précise en choisissant une femme saliha qui aime l'ilm. Ou à la kulli hal, même si c'est une amie qui veut faire des efforts pour l'ilm et qui vit modestement. Amma ba'duhunna, elle pense qu'à dunya. Elle pense qu'à la maison. Il faut acheter telle chose, il faut décorer, il faut kada, il faut kada. Si l'homme il est daif et la femme elle prend le dessus, فربما يضيع معها. Wa qala ba'du ahli l'ilm annahu yatafarrag lil ilm. بعض العلماء قالوا الأفضل سكي سكون سكر وعلم عند عدم القدرة نعم أما عند عدم القدرة إذا فعل des efforts في العلم هذا طيب. والأمن من الفتنة وضعف الشهوة نعم. أما سيلا شهوة قوية هي هذه فتنة إلى القدرة تقدم معنا أن قول عامة أهل العلم يديز بالوجوب. أما سي il sent qu'il peut tenir et il n'a pas le qudra, il veut se consacrer au ilm, falhamdulillah. Ala kulli hal, az-zawaj fihi khayr kathir. Limadha? Li'anna az-zawaj c'est min sunan al-anbiya wal-mursalin kama taqaddam. Kadhalik anna on n'oublie pas et on répète anna l'insan yakhtar zawjatan salihah tu'inuhu, que ce soit ala l'ilm ou ala mutaba'at an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ala ta'a, et on fait attention au matérialisme. Faites attention, ya ikhwan. On peut se poser la question, lakin, il y a des frères, des sœurs, ils sont déjà mariés. Faha oula, s'il y a des problèmes, ils essayent de régler. Ou ahiyanan, les problèmes, ils viennent de l'homme et ahiyanan de la femme. Ahiyanan, tu trouves, c'est la femme qui est sérieuse et qui veut faire des efforts, et l'homme qui n'en fait pas assez, fahad al-hal al-rifq. Et cette femme qui est motivée, ou cet homme qui est motivé, il essaye de montrer à son conjoint, d'encourager son conjoint et lui montrer thamarat had al-ilm. Et si هذا الانسان il applique le ilm, ربما ça touchera son partenaire. وعلى كل حال يكثر من الدعاء. أما ceux qui sont pas encore mariés, faites très très attention. Le choix il est important au départ. Allez, هذا il faut montrer. Il faut montrer أن si et on n'est pas tous ربما on veut pas tous se consacrer au ilm بعض الإخوان ربما et ils ne vont pas faire autant d'efforts que d'autres. C'est un autre sujet. Au départ, ils montrent. Ils montrent, je veux me consacrer au ilm. S'il veut voyager, il le montre. S'il le sait, je veux voyager, je veux me consacrer à telle chose. Cette femme, elle sait que cet homme, il a comme objectif qu'Adaï veut vivre telle chose. Si elle veut, alhamdulillah. Si elle pense qu'elle ne peut pas, il a akhiré, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala yassir laha au zawjan akhar. M'a mélangé et ne pas dire tout m'a changé brusquement, tout m'a vouloir imposer, se précipiter. Hada ahyanan, ça va très très loin, hatta ça pousse au divorce. An-nasiha lil jami', c'est taqwallah et as-saraha, d'être clair, et kadhalik ne pas oublier an al-insan il wa'if, khasatan al-mar'a. Na rubbama peut-être qu'elle a des faiblesses, rubbama ahyanan elle arrive pas à faire telle chose, fa ar-rifq, la douceur. Ce qu'elle peut pas aujourd'hui, elle le fera demain. Khassatan, nous parlons un, ma yata'alaq bil ilm, wa tatbiq as-sunan ila akhire. On n'est pas tous au même niveau. Ward, al-ikhwa, matalan, ils sont motivés fil hifd, ils peuvent apprendre du matin au soir, ils peuvent faire telle chose, d'autres non, d'autres femmes, elles peuvent moins, wa hakada. Ala kulli hal, tant que la base c'est la même. Chacun a son rythme, et ta'awun, c'est matloub. Ala kulli hal, et on conclut, bien, on vit dans une époque de fitna. Amin istata'a. الزواج فليتزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم et une erreur qu'on doit faire c'est ne pas regarder trop loin. Mardoum il regarde trop loin. كما قلنا si j'ai des enfants si kada et ça il se met des barrières tout seul. Tawakkal ala Allah. Allahu a'lam est-ce que tu vas vivre amla, Allahu a'lam tu vas te marier combien de temps tu vas rester, Allahu a'lam bihada. On fait les asbab et كما قال ابن عمر رضي الله عنه خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. Ça veut pas dire qu'on a aucun projet, on fonce comme a قلنا là. Lakin trop, que ce soit le domaine de l'hijra, que ce soit le domaine du mariage, que ce soit le domaine de talab al-ilm كذلك. Je peux pas voyager ou je peux pas faire tant que j'ai pas telle chose et on se met des barrières tout seul. هذا c'est pas صحيح. كذلك l'importance de lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'importance de lire la biographie des salaf sur le sujet du mariage matalan, comme une fawaid, comment ils se comportaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. La première faïda que tu vas trouver, nahum ils se mariaient. Bel kathir minhum, ils avaient 4 épouses, 3, 2. Ba'dhum ils en avaient qu'une. Et ba'dhum ils avaient 4 femmes et c'est devenu des a'imma min a'immat as-sunnah. Donc on fait attention à ce genre de shubha أو des obstacles où qu'on a aucune حجة ونتوكل على الله ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.